L'abricot. Un jour, quand j'étais petite, maman est rentrée du marché avec son panier rempli de fruits et de légumes multicolores. Parmi eux, il y avait des abricots. J'en avais jamais vu d'aussi gros. Maman, je peux prendre un abricot? Non, nous allons manger. Tu en auras deux au dessert. Mais je n'eus pas la patience d'attendre le dessert. Tandis que maman tournait le dos, je chipais un abricot et me cachais derrière le fauteuil du salon pour le croquer. Je crois que je n'ai jamais mangé un abricot aussi bon que ce jour-là. À peine le fruit fini, maman m'appela. Sabine, viens mettre la table. Panique à bord. Que faire du noyau de l'abricot? Si je ne le cache pas, maman va se fâcher. C'est à ce moment que mes yeux se sont portés sur l'unique plante du salon. J'enterrai mon noyau dans la terre. Voilà, maman, j'arrive tout de suite. Que fais-tu dans le salon? Rien, rien, je regarde le soleil par la fenêtre. Cependant, dans les semaines qui suivirent, je tremblais chaque fois que maman arrosait la plante. J'avais peur que le noyau remonte à la surface. Mais quelque temps plus tard, maman s'écria. Oh, un arbre mystérieux pousse dans ma plante. Elle alla chercher un autre petit pot à la cave, le remplit de terre et y replanta délicatement l'arbre minuscule. L'arbre poussa vite et papa dut bientôt le replanter dans le jardin. Une fois le travail accompli, il dit à maman. Je voudrais que tu m'expliques pourquoi tu appelles cet arbre l'arbre mystérieux. Il n'y a pas de mystère, c'est un abricotier. Maman tourna la tête vers moi. Petite gourmande, tu avais volé un abricot. Je ne me suis pas fait disputer. Je pense que maman avait compris depuis longtemps. Mais grâce à cet arbre, j'ai compris qu'il ne sert à rien de mentir. Un jour ou l'autre, les mensonges sont découverts. Sabine Huchon. Lue par Sabine pour Audiocité. Tout droit réservé à l'auteur.